Conte d'Islande. Tordre de Trastadr par Xavier Marmier de l'Académie française. Autrefois, à Trastadr, dans le Skagafjord, vivait un paysan nommé Tordre. Un jour en hiver, il quitta sa demeure pour s'en aller faire un petit trafic à Hofsos. Une neige épaisse couvrait la terre, et l'on ne distinguait plus ni route ni sentier. Cependant, il partit portant sur son épaule un sac qui renfermait sa marchandise, et il se dirigea en droite ligne vers Hofsos. Mais bientôt il s'égara, et tout le jour il marcha sans pouvoir retrouver son vrai chemin. Le soir, à la lueur de la lune et des étoiles, voilà que tout à coup devant lui apparaissent des maisons de marchands si grandes et si belles qu'il ne pouvait en croire ses yeux. L'une de ces maisons est éclairée et une agréable musique y résonne. Il s'approche, regarde par la fenêtre et voit dans une vaste salle des groupes joyeux de danseurs et de danseuses. Il frappe à la porte. Un homme qui lui est totalement inconnu vient lui ouvrir et lui demande ce qu'il désire. « Je suis parti ce matin de mon garde, » répond Tordre, « pour aller à Hofsos vendre et acheter différentes choses. La neige m'a égaré. Je voudrais avoir un asile pour passer la nuit. »« Entrez, » dit d'un ton amical l'inconnu, qui est le maître de la maison. Vous passerez ici la nuit, et demain, si vous voulez, vous ferez avec moi votre marché. Je puis vous assurer que vous n'en feriez pas un meilleur à Hofsos. » Tordre l'écoutait et croyait rêver. Il n'osait entrer avec ses grossiers vêtements au milieu de cette brillante assemblée. Le bon hôte le prit par la main et le présenta à sa femme en disant « Mon ami, voilà un brave homme qui a perdu son chemin, qui a froid et qui a faim. Il faut le bien traiter. »« Je ferai de mon mieux, » répondit-elle. Un instant après, elle servait elle-même à l'humble voyageur un succulent souper auquel le mari ajoutait une cruche de vin. De cette liqueur étrangère, Tordre n'avait pas la moindre idée. Il en but coup sur coup plusieurs verres et tomba dans un profond sommeil. Le lendemain, après un ample déjeuner, il fut conduit par son hôte dans l'entrepôt des marchandises. Là, en effet, il fit une belle opération. Il vendit à un haut prix les denrées qu'il avait apportées et acheta à un taux très modique celles dont il avait besoin. Quand cet heureux négoce fut terminé, le généreux marchand lui dit « Il faut que j'ajoute à votre bagage cette robe pour votre femme et ces gâteaux pour vos enfants. Je compte bien vous donner encore plus d'un témoignage de ma gratitude. Vous avez sauvé mon fils. »« Comment donc ? » s'écria Tordre surpris. « Oui, un jour vous étiez sous le roc de Tordarhoft. » avec plusieurs jeunes gens attendant une bonne brise pour vous embarquer. Pendant ce temps, vos camarades s'amusaient à lancer des pierres sur la montagne, et là était mon fils, couché sur le sol et dormant d'un profond sommeil. Vous dites à vos compagnons qu'il se livrait à un exercice inutile et absurde. Ils ne comprenaient point vos remontrances. Cependant, si vous ne les aviez pas empêchés de jeter des pierres sur la montagne, ils auraient tué mon fils. » Tordre partit avec une heureuse émotion, portant gaiement sur ses épaules son sac rempli de bonnes choses. À une centaine de pas de distance, il se retourna pour saluer encore la maison où il avait été si bien traité. Et cette maison et celle qui l'environnait, tout avait disparu. Il ne vit plus que les rocs de Tordarhoft. Alors il comprit que son hôte était un elfe. Êtres surnaturels qui apparaissent dans une quantité de traditions populaires de Danemark, de Suède et de Norvège. Il y a les elfes lumineux et les elfes sombres, les elfes bienfaisants et les elfes dangereux, les elfes qui chantent dans les bois et dansent dans les prairies, les elfes qui demeurent dans des souterrains. Il raconta son aventure à sa femme, qui en fut émerveillée. Il montra à ses voisins les marchandises qu'il avait achetées, et chacun d'eux déclara que nulle part on n'en pourrait trouver de pareilles.